Pendant la pandémie de Covid et la propagande en faveur de la vaccination, de nombreux politiciens, présentateurs et personnalités célèbres ont tenu des propos diffamatoires à l'encontre de la population non vaccinée. CLA TV présente dans cette émission de nombreux exemples montrant comment une pression sociale massive a été exercée sur la population pour qu'elle se fasse vacciner. Voyez en comparaison les destins de personnes célèbres, victimes de la vaccination, qui ont suivi la propagande sur la vaccination ou qui ont cédé à la pression. Les opposants à la vaccination semblaient avoir un penchant pour la mort. Les opposants au masque deviennent des opposants à la vaccination. Ce n'est pas seulement leur propre vie qu'ils mettent en danger. Nous devons commencer à faire des choses pour le plus grand bien de la société et non pour des idiots qui pensent pouvoir faire leurs propres recherches. Et surtout, ne pas commencer avec les fous qui refusent de se faire vacciner contre le Covid. La vie est trop courte pour être un enfoiré. La vie est bien trop courte pour ignorer la promesse qui vient en aide aux individus dans le monde entier. Ceux qui ne sont pas vaccinés finiront par en payer le prix. Ceux qui ne sont pas vaccinés devraient être taxés. Ils devraient payer plus pour les soins de santé. Nous devons commencer à considérer la décision de ne pas être vacciné exactement comme nous considérons les automobilistes ivres. Le docteur Fauci a déclaré que si les hôpitaux devaient encore plus compter sur le privé, ils devraient prendre des décisions très dures. Qui aura un lit en soins intensifs ? Et ce choix ne me semble pas si difficile. Une personne vaccinée a une crise cardiaque. Oui, entrez tout de suite, on va s'occuper de vous. Un type non vacciné qui a ingéré du gel pour cheval. Repose en paix, Doorever. En rejetant les non vaccinés qui posent vraiment problème dans ce pays. Littéralement, les seules personnes qui meurent sont celles qui ne sont pas vaccinées. Et pour ceux d'entre vous qui diffusent la désinformation, honte à vous. Le basketteur ne voulait pas se faire vacciner, mais il y a été contraint. Et maintenant, sa carrière est terminée. Un mannequin de 29 ans souffre de convulsions persistantes après la deuxième vaccination ARN messager de Pfizer. Une star de télé-réalité meurt à 30 ans d'un cancer provoqué par les vaccinations. Une ballerine de 20 ans meurt d'une mort cardiaque subite après avoir été vaccinée. Un joueur de hurling de 29 ans meurt dans un tragique accident suite à un effondrement dû à la vaccination. Le roi de la musique pop colombienne meurt subitement après avoir reçu sa troisième dose de vaccination. Le chanteur de country meurt des effets secondaires de la vaccination quelques heures après son mariage. Je veux que vous sachiez que j'ai eu deux vaccins et le rappel. J'ai voyagé, je suis allée deux fois au Mexique, j'ai participé à des expositions, j'ai rencontré, accueilli des gens et je n'ai jamais contracté le Covid. Bien sûr, Jésus m'aime plus que tout, vraiment. Si beau, si beau. Agora tem um minuto para a réplica. Ai, ai, chicos. Ay, no, Dios mío, se ha desmayado. Que le quítele la careta, dale la careta, dale la careta. En turno van a poder ser atendidos de manera rápida. Carlos. Perdón, Claudio, perdón, perdón, Claudio, perdón. Cerrame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toi qui n'es pas vacciné, tu es le problème. Ce sont les non-vaccinés qui sont le problème. Point. Fin de l'histoire. Ce sont les seules personnes que tu peux accuser. Ce n'est pas une honte, c'est la vérité. Peut-être devriez-vous avoir honte de ceux qui ne sont pas vaccinés. Il est temps d'accuser ceux qui ne sont pas vaccinés, pas les gens normaux. Tous ceux avec qui tu as été en contact t'accuseront, comme tous ceux d'entre nous qui ont fait ce qu'il fallait en nous faisant vacciner. Parce que honnêtement, nous savons que nous ne pouvons pas faire confiance à ceux qui ne sont pas vaccinés. Je pense qu'il est temps de mettre de l'ordre dans notre moralité. Ce sont les non-vaccinés qui constituent la menace. En fait, ils punissent les vaccinés pour les péchés des non-vaccinés. En fait, les non-vaccinés sont arrogants. Ils se promènent dans le pays en disant « Haha, on s'en fout, on vit libre », etc. Vous avez été patient, mais notre patience est à bout.

Je n'entre pas dans les détails parce que c'est très traumatisant. Mais je voulais vous remercier tous de m'avoir aidé et de m'avoir envoyé votre amour. Ce qui est probablement le plus troublant et le plus effrayant pour moi, c'est que j'ai reçu plus de 30 vidéos d'autres femmes de mon âge qui ont eu ces crises pendant une période de 1 à 2 heures. Les miennes ont duré 45 minutes à 1 heure et demie. Ce sont des tremblements incontrôlables, comme des convulsions, mais en étant consciente. Chez moi, comme chez ces femmes, il a été diagnostiqué une infection, une péricardite ou une myocardite. Chez moi, c'est une inflammation du péricarde. C'est pourquoi j'ai le souffle court, de la fatigue et des douleurs aux muscles. Le cœur bat comme lors d'une crise cardiaque chez quelqu'un en bonne santé et qui a moins de 30 ans. Je ne bois pas, je ne prends pas de drogue, même pas de caféine. C'est insensé. On me demande souvent si je me ferais à nouveau vacciner, si je pouvais revenir en arrière. Personnellement, je ne prendrais pas le vaccin Pfizer, car je sais combien de femmes de mon âge ont ces symptômes qui ne sont pas correctement signalés. 3 ou 4 médecins m'ont dit que ça n'avait rien à voir, ce qui est ridicule, car c'est arrivé 15 minutes après ma dose. Comment peuvent-ils dire qu'il n'y a aucun lien ? Je n'ai jamais eu de toute ma vie de problèmes cardiaques ou d'antécédents médicaux. Autre chose, mon cardiologue m'a dit qu'il voyait beaucoup de gens avec ce problème. Ce n'est pas moi qui dis que c'est à cause de la vaccination. C'est confirmé que c'est à cause de la vaccination. Toutes ces choses nous arrivent. Alors que le CDC admet ouvertement que les vaccins provoquent des myocardites dans ce groupe d'âge. Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas encore pris rendez-vous pour se faire vacciner? La plupart ne sont pas des personnes qui refusent le vaccin. De cela, il n'y en a à peine que 5%. C'est plutôt ceux qui ne font pas l'effort, qui pensent ne pas être en danger ou qui sont mal informés et pensent que le vaccin n'a pas été suffisamment testé. Il est donc d'autant plus important de convaincre ces personnes de faire quelque chose pour leur protection, ainsi que celle de leur famille et de leurs amis. Malgré tous les efforts, une partie non négligeable hésite toujours à se faire vacciner ou refuse de le faire. C'est pourquoi l'État ne peut plus se contenter d'observer simplement et d'espérer un plus grand discernement. Il y a une étude intéressante de l'université de Hambourg. Ils viennent de constater qu'il y a des gens qui, maintenant, ne veulent plus se faire vacciner pour défier l'État, une sorte de révolte fondamentale contre tout. C'est bien sûr une évolution inquiétante. Ils se promènent partout avec un signe 3U, c'est-à-dire non vacciné, non testé, irréductible. Je pense qu'ils devraient écrire 4U et ajouter incroyablement stupide. Mais il y aura toujours des personnes que rien ni personne ne pourra atteindre, quelles qu'en soient les raisons. Mais la plupart du temps, elles se trouvent parmi celles qui viennent d'être mentionnées, et pas n'importe où. Il y aura une différence dans l'accès au droit et à la liberté de vivre entre vaccinés et non vaccinés. N'oubliez pas que de nombreuses choses deviendront inconfortables pour eux s'ils ne se font pas vacciner. On pourrait faire dépendre le versement des pensions, des retraites ou même à l'accès au travail à la présentation d'une preuve de vaccination. Oui, car nous assistons maintenant à une véritable tyrannie de non-vaccinés. Oui, j'utilise délibérément le terme de tyrannie. J'aimerais appeler les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à se vacciner, à faire leur rappel. C'est le cas du colonel italien Gagliano, qui est mort peu après avoir été vacciné. Son ami a témoigné dans une vidéo émouvante que celui-ci avait été forcé de se faire vacciner contre le Covid. Lorsqu'il est décédé quelques jours après la vaccination, le commandement de la police italienne a indiqué comme cause officielle de sa mort qu'il était mort des suites du Covid. Son ami est très en colère et veut faire savoir partout qu'il est mort à cause de la vaccination. Il semble également significatif que plusieurs défenseurs de la vaccination soient décédés après avoir été vaccinés. Parmi eux, le développeur de l'application de vaccination Covid du CDC, le compositeur de la chanson publicitaire « Trouver le vaccin »,

Avril 2021, le documentaire de CLA TV, Appel au réveil urgent, des décès par milliers après la vaccination Covid-19, a fourni les chiffres très alarmants des décès survenus dans les maisons de retraite allemandes juste après le début de la vaccination. Dans le monde entier, de vastes bases de données témoignent du sort d'innombrables sportifs de haut niveau qui se sont soudainement effondrés et sont même souvent morts immédiatement après avoir été vaccinés. Dresseuse de chevaux de 23 ans est morte après que son patron lui a ordonné de se faire vacciner. Je suis la mère de Kathleen Gotts. Il y a 12 semaines, le 17 novembre 2021, elle est tombée raide morte au travail. Dans le mail qu'elle m'a envoyé, elle a dit qu'elle avait l'impression de mourir après la deuxième vaccination. C'est ma petite fille. Elle aurait dû vivre encore 75 ans. Elle étudiait. Elle voulait être vétérinaire. Günther Jahr, présentateur de télévision. Je n'ai aucune compréhension pour les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Jörg Kachelmann, présentateur. Ce n'est pas seulement le personnel soignant non vacciné qui cherche à perdre sa vie, mais aussi le groupe de racailles non vaccinés qui, dans une tradition fasciste, sépare la vie qui est digne de celle qui ne l'est pas. Marielle Milovic, pour moi c'est clair, je ne veux plus travailler avec quelqu'un qui n'est pas vacciné. Nikolaus Blome, chef du service politique de RTL et NTV.de. Je voudrais en revanche demander ici explicitement des désavantages sociaux pour tous ceux qui renoncent volontairement à se faire vacciner. Puisse la République entière les montrer du doigt. Charlotte Vurdic, présentatrice. Je ne laisse pas entrer les personnes non vaccinées à Noël. Peter Maffay. Celui qui n'est pas vacciné ne peut pas fréquenter d'autres personnes. Un footballeur de 23 ans meurt 3 jours après avoir reçu le vaccin Covid de Janssen. En fait, cet homme ne voulait pas se faire vacciner. Monsieur le ministre Donnelly, je vous demande très sérieusement de mettre fin à ce programme de vaccination avant que d'autres jeunes ne meurent. On vous a prévenu que ce serait le résultat. Je vous ai prévenu que ce serait le résultat. Vos mains sont tachées de sang. Et chacun d'entre vous, vous devrez être condamné pour meurtre. La présentatrice de télévision, Xara Triferi, souffre du syndrome de Guillain-Barré, déclenché par la vaccination. Mon corps se dégrade chaque jour un peu plus. Je suis Xara Triferi, la jeune fille qui a attiré tant d'attention à cause du sujet de la vaccination, parce que cela m'a causé du tort. Avec votre aide, je souhaite que tous ces dommages que j'ai subis ne soient qu'un cauchemar. Et s'il vous plaît, du fond du cœur, ne permettez pas aux êtres humains de s'injecter ce produit toxique, car il nuira à beaucoup, comme il a déjà nui à tant de personnes. Et ne permettez pas que tout cela continue, car Dieu ne le veut pas. Malheureusement, je suis toujours à l'hôpital. Ma situation est très difficile. Comme je vous l'ai dit, cette situation a commencé avec la vaccination. On m'a vacciné 2 fois, 1 fois dans chaque bras. Et alors des crampes ont commencé, mon rythme cardiaque a augmenté et petit à petit mon état s'est dégradé. Cette injection a provoqué tous ces effets secondaires chez moi comme chez beaucoup d'autres personnes qui n'en parlent pas par peur. Chaque jour, elle détruit de plus en plus mon corps. Ma vision est floue. Chaque jour un peu plus. À 33 ans, une cataracte est apparue dans mon œil droit. Comment vont-ils nous protéger s'ils veulent nous tuer? Ils nous ont dit, faites-vous vacciner pour vous protéger. C'est dommage que tant de gens soient morts à tort à cause de cela. En fin de compte, celui qui se fait vacciner n'est en aucun cas sauvé. Tôt ou tard, il y aura des dégâts. Chez moi, toutes sortes de problèmes ont déjà surgi.